Question 35. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'intersection annoncée, je passerai sans céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D.